Chapitre 8e, l'Amazone. Les 8 jours que m'a demandé M. Mélinet pour découvrir Don José allaient expirer lorsque Carmela reçut un matin une note ainsi conçue. Le duc de Clodion n'est pas venu à Paris. Un seul coupé-lit du train de Vannes était occupé dans la nuit du 22 par Sir John Astley, un riche anglo-américain qui, aussitôt descendu du wagon, s'est fait conduire à son hôtel de la rue de Tilsit. En ce moment entra Hector de Livran. « Mon cher, vous avez surfait l'habileté de votre Mélinet, » lui dit la créole en lui montrant la note qu'elle avait froissée dans ses mains. « Il revient bredouille de sa chasse au duc et j'en suis bel et bien pour les 5 000 francs qu'il m'a soutirés. » Elle était en train de déverser tous les flots de sa mauvaise humeur en compagnie du vicomte de Livran lorsqu'un télégramme de Cormoran vint arrêter tout à coup ce déluge. « Le duc est de retour à Cardal depuis hier, » lui marquait le télégramme. « Voilà qui est bien étrange, » fit Madame de Sanlouco, après avoir pris connaissance du message. « En effet, » répondit Hector, « d'une part, votre émissaire vous affirme que le duc parti pour Paris il y a 10 jours est de retour au château de Cardal, et d'un autre côté, M. Mélinet déclare et qu'un seul coupé du dit train de Vannes était occupé par Sir John Astley qui est descendu à la gare de l'Ouest. Sur mon honneur, c'est à n'y rien comprendre. « Vous parlez de cet étranger comme si vous le connaissiez, » répliqua Carmela. « Il fait partie de mon cercle. Hein ? Et quel homme est-ce ? Un fort singulier personnage, un métis de race anglo-américaine. Il a débarqué il y a peu de temps à Paris, apportant dans ses malles 7 ou 8 millions en lingots d'or. » La créole interrompit le vicomte dans le portail qu'il faisait de Sir Johan. « Il doit se passer des choses extraordinaires au château de Cardal, » dit-elle, « et une explication entre le duc et moi est devenue indispensable. Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ?»« Très volontiers, cher ami, » répondit Hector de Livran. « Quand partez-vous ?»« Ce soir, » repartit Carmela. Hector, avant de se rendre à la gare avec Madame de Sanlouco, courut informer M. Mélinet de ce qui se passait. Celui-ci se frotta les mains. « Va, mon fils, accompagne la princesse, » dit-il à l'ex-ténor. « Elle se conduit en femme de tête et finira, j'en suis convaincu, par gagner la partie. »« C'est-à-dire la vôtre, capitaine, » répliqua le vicomte en riant jaune. « La nôtre, mon garçon, » riposta Mélinet, « car tu auras ta part des marrons qu'elle aura tirés du feu. » Arrivé par le train du matin à Vannes avec Hector, Carmela fit porter ses bagages dans un des principaux hôtels de la ville et arrêta 2 chambres, dont l'une pour elle et l'autre pour le vicomte, qu'elle qualifia du titre de beau-frère. Ensuite, elle commanda à déjeuner et envoya chercher le maître hôtelier. Celui-ci s'empressa de venir. « Je désirais, lui dit-elle, faire une petite excursion dans les environs de votre ville. Pourriez-vous me procurer un cheval de selle convenable ?»« Rien de plus facile, madame, » répondit le breton. « J'ai dans mon écurie un poney doux comme un agneau et rapide comme le vent. »« Fort bien, mon beau-frère m'accompagnera. Et il aurait également besoin d'un cheval. » Cela se trouve à merveille, je viens d'acheter le cheval du capitaine de gendarmerie qui vient d'être mis à la réforme. Pas le capitaine, le cheval, ajouta l'hôtelier avec un gros rire, et monsieur votre beau-frère sera content de lui. Veuillez les tenir à notre disposition dans 1 heure, dit Carmela. Le maître d'hôtel se retira, et ses 2 nouveaux clients, qui n'avaient rien pris depuis la veille au soir, firent honneur au déjeuner qui, par parenthèse, était excellent. Le déjeuner achevé, Madame de Sanlouco tira de sa malle un élégant costume d'Amazone et s'en revêtit. Quelques instants plus tard, elle montait le poney en question et se mettait en route en compagnie du vicomte Hector de Livran, qui avait enfourché le cheval du capitaine de gendarmerie. Ils venaient, après 1 heure de marche, d'entrer sous bois quand ils entendirent les aboiements d'une meute. « On chasse par ici, » dit Carmela à Hector. « Le duc est grand chasseur, » répondit le vicomte, « et peut-être... » « Vous avez la même pensée que moi, » interrompit la créole, « mais si c'est lui qui chasse, il ne faut pas qu'il nous voie ensemble. »« Je vais rebrousser chemin et je vous attendrai à l'entrée de la forêt, » repartit Hector de Livran. « C'est cela, » fit Madame de Sanlouco en enfonçant les éperons dans le ventre du poney qui partit au galop. Cependant, la meute approchait. Carmela s'arrêta près d'un carrefour où la bête lancée devait infailliblement passer. En effet, presque aussitôt, un chevreuil traversa le carrefour. « Va, va, mon garçon, quoi que tu fasses, ton compte est réglé d'avance, » dit une voix en ricanant. La créole tourna la tête, et malgré le déguisement dont il était affublé, elle reconnut le cormoran dans le personnage qui venait de parler ainsi. Le cormoran la reconnut également. « Vous ici, madame, » dit-il, en se découvrant respectueusement. « Est-ce le duc qui chasse ?» lui demanda-t-elle. « Oui, madame, et dans quelques minutes il passera ici. C'est bien. Poursuivez votre chemin, et ce soir à 9 heures, venez me trouver à Vannes, le premier hôtel à droite, place du marché. » Le cormoran répondit par un signe de tête affirmatif et s'éloigna. Quelques instants après, un cavalier dont le cheval était lancé à fond de train déboucha dans une allée. C'était le duc Jean de Clodion qui rejoignait sa meute. Mais si grande que fut la rapidité de sa course, il avait aperçu l'étrangère et mis sa monture au pas. « C'est lui, c'est José, » pensa Carmela trompée, comme l'avait été le cormoran, par la ressemblance des deux frères. Puis en voyant le cavalier venir au pas de son côté, elle ajouta mentalement « Il m'a reconnu !» Jean de Clodion, qui se trouvait pour la première fois en présence de la créole, se demandait quelle était cette jeune dame inconnue qui tenait fixement ses yeux attachés sur lui et semblait l'attendre. Lorsqu'il fut arrivé près d'elle, il la salua courtoisement, mais sans toutefois lui adresser la parole. « Il feint de ne pas me reconnaître, » se dit Madame de Sanlouco. « Que signifie cela ?»« Monsieur, lui dit-elle, pourriez-vous m'apprendre si le château de Kerdal est loin d'ici ?»« Vous allez au château de Kerdal, madame ?» lui demanda le jeune duc. Le ton avec lequel était faite cette demande et la surprise qu'exprimait le visage du cavalier frappèrent Carmela. Involontairement, elle tressaillit. Ce sont bien les traits de José, c'est bien sa voix, et pourtant ce n'est pas lui. Serait-ce le vrai duc de Clodion ? Telles furent les questions que la créole s'adressa simultanément. Cependant, elle ne laissa rien paraître de l'émotion violente et de l'effroi qui l'agitait, et ce fut d'une voix assurée qu'elle répondit « Je suis une voyageuse passionnée par l'archéologie, monsieur. On m'a parlé du château de Kerdal comme d'un curieux spécimen des constructions du XIVe siècle, et je me propose d'aller le voir dans une de mes prochaines excursions. « J'habite ce château, madame, » dit Jean. Et le jour où il vous conviendra de le visiter, vous serez la bien reçue. » Il s'inclina, après avoir prononcé ces mots, donna un coup de cravache à son cheval et disparut sous les arbres de la forêt. Madame de Sanlouco demeura longtemps pensive. Elle pensait au cavalier qui venait de la quitter. Elle se disait que, si habile comédien que peut être Don José, il ne serait jamais parvenu à la tromper sur sa véritable personnalité. Il aurait laissé échapper un mot ou un regard qu'il aurait inévitablement trahi. Mais d'un autre côté, si ce jeune homme était Jean de Clodion, comment expliquer sa présence au château de Kerdal? Par quel miracle aurait-il recouvré la raison, et comment aurait-il pu s'échapper des mains du chef indien auquel elle l'avait livré autrefois? Et puis, que serait à son tour devenu José? Tels étaient les points d'interrogation qu'elle se posait, lorsque tout à coup lui revinrent en mémoire certains passages des rapports de Cormoran. L'attitude étrange des deux époux, le changement d'appartement du duc, la tristesse de la duchesse pendant son absence. Ce souvenir, rapproché de ce qu'elle venait de voir et d'entendre, dissipa tous les doutes qui pouvaient encore lui rester et la confirma dans la certitude que c'était bien le duc Jean de Clodion qu'elle venait de rencontrer. Enfin, elle se décida à rejoindre le vicomte, mais si grande était sa préoccupation qu'elle ne lui adressa pas une parole. Ils reprirent tous les deux le chemin de Vannes. Au moment où les premières maisons de la ville se montraient à leur regard, Hector, étonné et intrigué du mutisme de sa compagne, lui demanda à brûle-pourpoint si elle avait vu le duc. Elle fit un signe affirmatif. « Mais que s'est-il donc passé, cher ami ? » continua-t-il. « Vous paraissez peu enchanté du résultat de cette entrevue. »« Nous parlerons de cela ce soir, » répondit la créole d'un ton bref. Puis elle retomba dans son silence.